Quelqu'un qui doute quelque part, il n'est pas sorti de la croyance encore. Sinon, il n'y aurait pas de doute. À un moment donné, j'étais allé dans une librairie qui vendait des livres à la fois neufs et usagés, puis je voyais qu'il y avait des livres de scientologie. Je regarde la dame à la caisse, puis elle dit que j'ai dit que c'est ça. Qu'est-ce que ça fait là? Elle dit, oh, c'est quelqu'un qui fait partie de la coopérative qui a amené ça, lui, il est dans ces affaires-là. Puis là, j'ai commencé à lui dire l'opinion que j'avais de la scientologie. Puis là, elle m'avait dit, on est toutes libres au niveau spirituel, on fait tous des choix. Puis moi, je m'étais choqué, je l'avais regardé dans les yeux, puis j'avais dit, l'être humain n'est pas libre, sinon il ne serait pas polarisant entre le doute puis la croyance. Puis là, elle était, mais dans ce temps-là, ça fait une dizaine d'années de ça, j'ai été un petit peu moins indulgent avec les gens. Puis je pense que, bon, ça l'a peut-être shaké un peu, là.